dont les œuvres ont été enregistrées dans cette vie d'ici-bas. Ce livre lui sera donné le jour du jugement. S'il fait partie des gens de la foi et des bonnes œuvres, alors le livre lui sera remis en sa main droite, et il sera honoré par cela. Tandis que s'il fait partie des gens de la mécréance et de l'association, alors son livre lui sera remis en sa main gauche par humiliation pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, versets 13 à 15, « وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction approximative, et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni, c'est-à-dire un peuple avant, de lui avoir envoyé un messager. Fin des versets. Donc quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, c'est-à-dire le livre de ses actions, comme on a dit, en sa main droite, par honneur pour lui, et il sera heureux et joyeux. Et il dira, tenez, lisez mon livre, c'est-à-dire venez, lisez mon livre, car il y a dedans le bien, il y a le bonheur et la joie. Ensuite, il mentionnera la cause de cela. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Donc, c'est-à-dire la personne qui sera remis le livre de sa main, en sa main droite, il dira, j'étais sûr d'y trouver mon compte. C'est-à-dire, j'avais la certitude. Car ici, pour bien comprendre le mot inni dhanantu, ici, dhanantu, ça signifie la certitude. Et non pas le doute. Parce qu'en langue arabe, dhanna, ça signifie aussi avoir le doute. D'accord? Mais ici, c'est le contraire. Ça signifie avoir la certitude. Naam. Donc il dira, inni dhanantu, j'étais sûr d'y trouver mon compte. J'étais sûr d'y trouver mon compte. C'est-à-dire, j'ai fait mes comptes dans cette vie d'ici-bas. Je me suis préparé pour ce jour. Ce qui m'arrive, c'est la cause que j'avais la conviction de l'arrivée de l'heure. J'avais la conviction du jour de la résurrection et du jour des comptes. J'ai donc accompli de bonnes œuvres. Je me suis repenti de mes péchés. Et ceci est la bonne fin. C'est une fin qui est louable. Allah subhanahu wa ta'ala, il met ensuite en évidence quelle est cette fin, cette bonne fin. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il jouira d'une vie agréable, c'est-à-dire d'une vie dont on est satisfait, d'une vie joyeuse et agréable. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit, fi jannatin 'aliyah, fi jannatin 'aliyah, dans un jardin haut placé, c'est-à-dire élevé, très élevé, ainsi que dans les châteaux, c'est-à-dire les châteaux, les maisons et les arbres seront élevés. Il y a des degrés entre les gens du paradis, les uns au-dessus des autres. Comme il est venu dans le hadith d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le paradis 100 degrés. Il y a dans le paradis 100 degrés. Et la distance entre chaque degré est de 100 ans. Et la distance entre chaque degré est de 100 ans. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. Il a été authentifié par Sheikh Al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc le paradis a donc des degrés. Chacun aura son degré par rapport à ses œuvres, les uns au-dessus des autres. Et personne ne ressentira une insuffisance et un manque. Subhanallah, personne ne ressentira une insuffisance et un manque. Chacun sera heureux de ce qu'il a et ne demandera pas de surplus, car il jouit d'une vie agréable. Chacun sera satisfait de ce qu'il a et ne regardera pas ce qu'ont les autres. Il n'y aura aucune haine, aucune dispute, aucune animosité. Il n'y aura aucun souci, ni peine, ni souffrance, car tout le monde sera satisfait de ce qu'il a, contrairement à cette vie d'ici-bas, Wallahu al-Musta'an. Et contrairement à l'enfer, Wal-Iyadu Billah, qu'Allah nous en préserve, il y aura des abîmes, c'est-à-dire des degrés, mais des abîmes, des gouffres, chaque abîme en dessous de l'autre. Et les hypocrites, comme il est venu dans le verset, seront au plus bas fond du feu. Donc les croyants, walhamdulillah, les bienheureux seront dans des jardins haut placés. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit « Qutufuha daniya »« Qutufuha daniya » dont les fruits sont à portée de la main. C'est-à-dire que les fruits seront proches d'eux. Pas besoin d'effort. Pas besoin de monter pour les cueillir, de faire un effort. Bien au contraire, à chaque fois qu'ils voudront quelque chose, qu'ils désireront quelque chose, les fruits seront suspendus afin de les prendre et d'en jouir. Alors qu'il est assis sur les divans ou allongé sur des lits, il pourra en profiter dans toutes les situations, que ce soit debout, assis ou allongé, et tout cela sans effort. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit « Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam il khaliyah » « Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » C'est-à-dire qu'on leur dira « Mangez de ces fruits et buvez de ces rivières agréablement. » Hani'an, c'est-à-dire ni troublé, ni déplaisant et ni en danger, mais seulement un plaisir, une santé et une force, agréablement, pour ce que vous avez avancé. Ici, bima aslaftum. Le bi ici, dans la langue arabe, en fait, c'est bi sabab, c'est-à-dire par la cause, pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Et ceci est la récompense, c'est-à-dire pour ce que vous avez avancé pour votre au-delà, dans les jours passés de ce bas monde. Car ce bas monde, comme vous le savez, est pour œuvrer. Car ce bas monde est fait pour œuvrer. Et l'au-delà, c'est la récompense. Donc celui, alhamdulillah, qui n'œuvre pas, celui qui œuvre dans le bien, alhamdulillah, il obtiendra la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui n'œuvre pas dans cette vie d'ici-bas n'obtiendra pas le bien de l'au-delà. Donc on leur dira, par la cause de ce qu'ils ont œuvré comme prière, ou jeûne, aumône, pèlerinage, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres bonnes œuvres, on leur dira « Mangez et buvez agréablement. » Une récompense de votre Seigneur pour vous et une miséricorde. Car personne ne rentrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. » Ils ont dit « Même toi, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Et il fit un signe avec sa main au-dessus de sa tête. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mentionner, après avoir mentionné les heureux, les croyants, il mentionne ici la deuxième catégorie de personnes, qui sont les mécréants, les associateurs, les hypocrites, qui sont les malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ » Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. » C'est-à-dire, quant à celui à qui on aura remis le livre de ses œuvres en sa main gauche, il regrettera à ce moment-là. Il regrettera qu'Allah nous en préserve. Il ne voudra que personne ne le lise, contrairement à ce qu'on a vu, hein, aux croyants, aux bienheureux. Lui ne voudra que personne ne le lise, car il y a dedans que le mal, que le défaut qu'il a fait, le désespoir et le regret. Il souhaiterait où il souhaitera ne jamais recevoir son livre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite « Walam adri ma hisabiya » et ne pas avoir connu mon compte, Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. C'est-à-dire si seulement je fusse totalement oublié, si seulement je n'avais pas été ressuscité et je n'avais pas connu mon compte. Ensuite, il souhaitera, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la suite, « Ya laytaha kanatil qadiya »« Ya laytaha kanatil qadiya » Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. C'est-à-dire ici, si seulement je n'avais pas été ressuscité, il souhaiterait, si seulement il n'avait pas été ressuscité. Si seulement ma première mort, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, fut la définitive, et qu'il n'y ait pas après cela une résurrection et une vie. Mais comme vous le savez ici, tous ces souhaits sont impossibles. Tous ces souhaits sont impossibles. Ensuite, il regrettera que dans cette vie d'ici-bas, il avait des biens, une fortune et un rang. Il possédait des châteaux et une splendeur. Il se posera la question, où sont passées ces choses? Où sont passés mes biens, ma fortune? Il se retournera même vers ses biens et son pouvoir qu'il avait dans cette dunya, mais ce sera un malheur pour lui. Il dira, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la suite, « Ma aghna anni maliya » Ma fortune ne m'a servi à rien. Subhanallah. C'est-à-dire, rien ne m'a servi dans cette dunya. Toutes les fortunes, les biens, le rang que j'avais, cela ne sera d'aucun profit. Car je n'ai rien avancé dans cette dunya. Et ni dans le delà, car l'heure du profit a disparu, c'est fini. Tu ne peux plus profiter. Et cela, c'est-à-dire les biens, sa fortune, son rang, tout cela n'a pas repoussé le châtiment d'Allah sur lui. Il dira ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, « Halaka anni sultaniya » Mon autorité est anéantie et m'a quitté. C'est-à-dire, je n'ai plus d'arguments ni d'excuses. Il n'a pas d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il reconnaîtra son œuvre et qu'il n'a pas été lésé. Il n'a pas été lésé. On n'a pas été injuste envers lui. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges, les gardiens de l'enfer, de le châtier d'un châtiment terrible. Et il n'aura à ce moment-là ni secoureur et ni protecteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Khudhuhu faghulluhu » Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Les anges le prendront violemment du lieu du rassemblement et ils lui mettront un carcan au cou. Qu'Allah nous en préserve. Et ils lui mettront un carcan au cou. Puis, il sera précipité dans la fournaise, dans le feu de l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, « Thumma al-jahima sallou » Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. C'est-à-dire qu'il sera brûlé dans le feu de l'enfer, afin qu'il goûte sa chaleur intense. Allah subhanahu wa ta'ala continue, il nous dit, « Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'ouna dhira'an faslukuh » Puis, liez-le, attachez-le, avec une chaîne de 70 coudées. Subhanallah. Puis, liez-le, attachez-le, avec une chaîne de 70 coudées. C'est-à-dire qu'il sera attaché, qu'il sera lié avec une chaîne de fer, d'une chaleur ardente, dont sa longueur est de 70 coudées. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant de la longueur de ses coudées. On lui introduira ses chaînes par derrière. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah nous en préserve. Imaginez. On lui introduira ses chaînes par derrière et elles ressortiront par la bouche. Les mécréants seront regroupés et attachés par ces chaînes et ils ne cesseront d'être châtiés par ce châtiment terrible. Qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre ensuite, après avoir mis en évidence que le mécréant, l'associateur, l'hypocrite sera châtié d'un châtiment terrible, il nous montre la cause de cela. Pourquoi ? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala « Innahu kana la yu'minu billahi al-azim » Car il ne croyait pas en Allah, le très grand. C'est-à-dire, la foi qui est bénéfique et qui te sauve du châtiment, celle qui est liée avec l'œuvre pieuse. Ils ne croyaient pas en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Ils ne croyaient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite seul l'adoration. Mais bien au contraire, il adorait en dehors de lui. Et il ne croyait pas en ses noms et ses attributs. Il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Et il a mécru en ses messagers. Il s'est obstiné et a rejeté la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en détaillant la cause. Il dit, car il ne croyait pas en Allah le très grand, وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et n'incitez pas à nourrir le pauvre. Et n'incitez pas à nourrir le pauvre. C'est-à-dire, il était avare. Bakhil, avare, en refusant de donner l'aumône obligatoire, la zakat. Il était injuste dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les droits des gens. Non seulement il refuse de donner la zakat et de faire l'aumône, mais en plus de cela, il n'incite pas les gens aussi à donner aux pauvres. Il n'a aucune miséricorde dans son cœur envers les pauvres et les nécessiteux. Il ne les nourrit pas et n'incite pas à les nourrir. Il ne donne pas l'aumône aux nécessiteux et n'incite pas les riches dans cela. Wallahu al-musta'an. Et il n'a rien de bien en lui, ni avec sa personne, ni avec les gens. Qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ. Il n'a pour lui ici, aujourd'hui, point d'amis chaleureux. C'est-à-dire qu'il n'a pour lui ici, aujourd'hui, le jour du jugement, il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux. C'est-à-dire qu'il n'a pour lui ici aujourd'hui le jour du jugement. Il n'a dans l'au-delà d'amis et ni de proches qui le protégeraient du châtiment d'Allah, qui intercéderaient pour lui, ni ne l'aideraient comme il se produisait dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Ghafir, le pardonneur, verset 18, les zalimin min hamim wa la shafi'in yuta. Les injustes n'auront ni amis zélés ni intercesseurs écoutés. Naam, fin du verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite dans le verset 36 de Surat Al-Haqqa, وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ. Ni d'autre nourriture que du rislin. Qu'est-ce que c'est le rislin? Il a été dit dans l'explication des savants dans le rislin ici, beaucoup d'explications. Certains ont dit que le rislin, ici, c'est ce qui sort du corps des gens de l'enfer, c'est-à-dire le pu. Le pu des gens de l'enfer. Allahu al-musta'an. Et ce pu qui est extrêmement chaud, dans l'extrême de la chaleur. Allahu al-musta'an. Et qui possède une odeur très nauséabonde et infecte. Et il a été dit aussi dans l'explication que Rislin, c'est un arbre parmi les arbres de l'enfer, ou que c'est l'arbre du Zakkoum. À la kulli hal, en tout cas, c'est une très mauvaise nourriture. Wala ta'amun illa min rislin. Ni d'autre nourriture que du rislin. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, la ya'kuluhu illa al-khati'un. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Que seuls les fautifs mangeront. C'est-à-dire ici les mécréants et les associateurs. Allahu al-musta'an. Seuls les fautifs mangeront de cette mauvaise nourriture. Ceux qui se sont volontairement égarés du chemin droit et ont emprunté la voie de l'enfer, de la fournaise. Et c'est pour cela qu'ils ont mérité le châtiment douloureux. Car ils ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont associé en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils ont mérité le châtiment terrible et douloureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a dit Al-Khati'un. Et ça, c'est un petit bénéfice que je vous donne dans la langue arabe. Ici, Al-Khati'un, comme ils disent les savants ici, c'est pas la même chose que Al-Mukhti'u. Donc, Al-Khati'u et Al-Mukhti'u, il y a une différence. Hein, quand on dit Al-Khati'u, le fautif, c'est celui qui a fait la faute, hein, volontairement. Hein, volontairement. Mais celui qu'on appelle Al-Mukhti'u, hein, c'est celui qui a fait une faute, mais involontairement. Naam. Donc, Al-Khati'un, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Khati'un. Hein, seuls les fautifs, c'est-à-dire ceux qui ont commis des fautes volontairement. Hein, ceux qui ont volontairement contredit Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, voici l'explication de ces nobles versets, hein, qu'on a cité donc du verset 19, hein, du verset 19 au verset 37. Et inshallah ta'ala, on continuera, barakallahu fikum, à expliquer la suite, et on finira inshallah ta'ala sourate al-haqqa, barakallahu fikum, wa jazakum khayran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.